mec. Wow, wow. Terrible, terrible, terrible. Ouais, ouais, ça va, ouais, ok. Ouais, ça va, on se calme. Facette, ça va être la fièvre ce soir. Tu aimes la funk, tu aimes la dance, le disco, la soul. Bah c'est pour toi, mec. Ouais, c'est ça, casse-toi, fous le camp. Tu pues, mec. Va voir ailleurs si j'y suis, face de rat. Sans le pas, en direction du comptoir, la belle Sandra et son gros pétard. Tatouage et piercing, taille basse et string, c'est vraiment la totale en truc sans putain.